La poésie qui engorge mes veines est une fille fraîche et primitive. Je ne suis rien d'autre qu'un homme qui voudrait parler. J'ai tant à dire, mais les mots trop souvent m'ignorent, ou bien alors les mots me traversent comme des flèches ou par saccades de silence. On est poète pour butiner les galops du vent, pour dormir dans l'âme des jours. On se sait encore poète quand on peut grainer un peu de soi dans la nuit fatiguée.